Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le vigneron et le faussaire. Ou comment le plus grand escroc en vin du monde fut rattrapé après plusieurs années d'enquête par un bourguignon. Il se trouve que des collectionneurs d'Amérique aux porte-monnaie épais se prirent d'admiration pour un petit génie au palais sans limite. Sans qu'on puisse l'expliquer, savant et généreux, le jeune impétueux avait l'incroyable don de sortir de sa cave n'importe quel vin de n'importe quelle époque, des légendes, des mythes, et pendant des années, le stratagème a fonctionné. Les collectionneurs se retrouvent pour célébrer et boire ces bouteilles uniques qu'ils ont achetées à prix d'or sans que jamais le doute ne s'immisce. Mais un jour, un vigneron de France a vendu une vente de bouteilles qui porte son nom sans que ni lui ni ses ancêtres ne les aient créées. Après avoir rencontré le faussaire, il se met en quête pour dévoiler au monde son vrai visage. Année après année, d'autres voix s'élèvent, le faussaire perd peu à peu ses amis et sa réputation, et un jour, il finit en prison. Dans la réalité, le faussaire a pour nom Rudy Kurniawan. En 8 ans, il est passé des tables des restaurants de luxe de New York où il était présenté comme l'un des grands experts en vin des États-Unis à la cellule d'une prison avec comme seul bagage un titre, celui du plus grand faussaire du vin de tous les temps. Le vigneron, quant à lui, s'appelle Laurent Ponceau. Parti de Bourgogne, où chaque année ses vignes produisent quelques milliers de bouteilles, il a traversé plusieurs océans pour rassembler assez de preuves contre cet homme qui, un jour, donna le nom de son domaine à ses mélanges. Pour vous raconter cette histoire, nous nous sommes appuyés notamment sur le passionnant documentaire intitulé « Raisin amer », réalisé par Jerry Watwell et Roy Benatlas et produit par « Faites un vœu » de Catherine Siméon. Vous entendrez certains extraits de ce film. En seconde partie, nous recevrons Laurent Ponceau, justement le vigneron et propriétaire du domaine Ponceau, personnage central de cette histoire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec la collaboration des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Caroline Debray. Programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Julien Dumont. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter. Avril 2011, sur les terres de Bourgogne, le peuple des vignes s'est levé. Il n'y a pas de grands vignobles prédestinés, il n'y a que des entêtements de civilisation, disait l'historien et romancier Pierre Veilleté. En ce jour de printemps, bourguignons d'adoption ou de naissance marchent ensemble vers un seul but: inscrire les climats du vignoble bourguignon au patrimoine mondial de l'UNESCO. En Bourgogne, quand on parle de climat, ce n'est pas vers le ciel qu'on lève les yeux, mais vers la terre qu'on pose le regard, puis les mains. Chaque climat est une parcelle de vigne à part qui renferme en elle la mémoire des hommes qui l'ont plantée, puis éduquée au fil des siècles. Des vendanges au pressage, de la fermentation à la clarification, chaque étape de la fabrication du vin est le fruit d'une transmission, d'un legs individuel et collectif. À la tête de cette quête de reconnaissance et de sauvegarde de ce patrimoine, un homme, Aubert de Villene, viticulteur et co-héritier du domaine Romanée-Conti. Depuis plusieurs années, il rassemble les viticulteurs, convainc les politiques, compile la mémoire des lieux. Mois après mois, il a fait de cette candidature un événement, un horizon commun. En ce 8 avril, 3000 personnes répondent présentes. Parmi elles, Bernard Pivot, qui nous en dit plus sur ces terres. Le climat, c'est un morceau de vigne de la Bourgogne qui est une œuvre d'art. C'est un morceau de vigne qui est délimité, qui a un nom depuis des siècles, et nom hérité d'ailleurs généralement des moines vignerons. Et donc ce lieu magique est intangible, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le modifier. Et c'est lui qui sont l'ensemble des climats, qui sont plus de 1300, qui ont établi la classification des vins de Bourgogne. C'est une marqueterie, c'est un puzzle, l'ensemble des climats. C'est tout ça est lié, mais c'est l'histoire qui a lié tout ça. Les vignerons d'ici sont les héritiers de générations et de générations de vignerons qui ont travaillé sur les mêmes terres, qui portaient déjà les mêmes noms. C'est ça qui est formidable. Tout au long de ce périple à travers les vignes, les marcheurs s'arrêtent pour écouter des comédiens qui racontent l'histoire de ces parcelles. On y parle souvent de moines qui auraient servi et suivi les lignes de la nature, goûté la terre, choisi un cépage avant de planter 10, 20, 50, 100 pieds de vigne. D'où viennent les chevaux, le Montsigny, le Chambertin, les Clos Saint-Denis? Chaque morceau de terre a une inclination, un rapport au vent et à l'eau qui produit un vin unique. Parmi ces crus d'exception, l'un des plus célèbres est le Romanée Conti. Planté à quelques kilomètres du village de Cône-Romanée, sur une parcelle de pinot noir de 1 hectare 8, on ne peut y produire que 4000 à 6000 bouteilles par vendange. Il a d'abord un arôme de violette et de fleurs des champs, puis, avec le temps, ce vin prend le parfum de rousse fanée. Mais d'exception convoité par les plus grandes tables de cuisine de la planète, le Romanée Conti a souvent été le vin le plus cher du monde. En vérité, car in vino veritas, le vin ne se fabrique pas, il se forge avec les années. Il n'est pas le résultat d'une formule ou d'un grammage d'éléments, mais la combinaison de spécificités, de savoir et surtout de terroir. Envié, imaginé, adulé, le marché du vin s'est envolé ces dernières années. Rare, le Romanée Conti est source de fantasmes, de folie, si bien que dès qu'une maison d'enchères inscrit à une vente une ancienne bouteille de ce domaine, les prix s'affolent. Loin de la Bourgogne et de ses vignes, ces bouteilles tombent entre les mains de spéculateurs, d'hommes fortunés, ivres du seul fait de posséder une bouteille d'exception. Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, d'être remarqué. De l'autre côté de l'Atlantique, quelques années plus tôt, un homme, Rudy Kurniawan, réussit l'impossible. Réunir la plus incroyable cave du monde, puis la revendre à un prix record. Parmi ces bouteilles vendues à prix d'or, des vins de Bourgogne. Ce vin est-il né de ces vignes, de ces climats? Peut-on copier la terre, l'eau, le soleil et le vent? 105.3, lot 982, Romanée Conti, 72, 2 bottles, wow, 9005. Notre histoire débute au début des années 2000 sur la côte ouest des États-Unis, à Los Angeles. À chaque vente aux enchères, on remarque un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années qui dépense des sommes folles pour ravir les meilleurs rangs crus. Sa méthode est simple, lever la main et attendre que la bouteille lui soit adjugée pour baisser le bras. Technique radicale mais onéreuse. Peu importe, l'inconnu ne semble pas avoir de problème d'argent. Serait-il l'héritier d'une grande fortune, fils d'un négociant ou d'un chef de cuisine étoilé? Personne ne le sait. Tant il est avare d'informations sur son passé, où on connaît juste son nom, Rudy Kurniawan. À ceux qui ont la chance de l'approcher, il distille quelques éléments de sa vie. Sa première émotion avec le vin daterait de l'anniversaire de son père un jour de 2001 dans un restaurant de San Francisco. Ce serait un Opus One Millésime 1995, un vin de Californie réputé qui l'aurait fait chavirer dans la passion du vin. À partir de cette date, Rudy Kurniawan commence à fréquenter les dégustations hebdomadaires de cavistes où il se lie d'amitié avec quelques spécialistes. Le jeune homme est un garçon sympathique et curieux, d'agréable compagnie. Quand il ne traîne pas dans les caves, c'est dans les livres qu'il se plonge. L'art du vin est un art de lettré. C'est à la profondeur des mots et à l'étendue du vocabulaire que l'on reconnaît un sommelier de qualité. Grâce à lui, on peut décrire et faire entendre les spécificités de chaque vin et les émotions qu'il provoque. Ensuite, le jeune Rudy apprend les gestes et la mécanique d'un œnologue. Il développe son odorat, muscle son palais, enregistre les goûts. Tout faussaire, pour faire illusion, doit être doté d'un talent, d'un don qui fait de lui l'exception, le prodige. Chez Rudy Kurniawan, c'est le palais qui émerveille, comme le raconte cet homme qu'il a bien connu et qui témoigne dans le documentaire Raisin amer. Il avait un savoir encyclopédique. Il m'a appris pratiquement tout ce que je sais. Ce qui a contribué à créer le mythe, c'est qu'il avait et qu'il a toujours un palais extraordinaire. Le palais le plus fin que j'ai jamais vu. Quel que soit le vin de Californie à la France, quelle que soit l'appellation ou le millésime, Rudy était capable à tous les coups, de façon absolument confondante et incroyable, de tomber juste. Chaque faussaire a ses mystères. Dans le cas de Rudy Kurniawan, beaucoup restent aujourd'hui encore sans réponse. D'abord, qui fut son maître? Comment a-t-il pu devenir en quelques mois l'un des plus brillants experts en vin des États-Unis? Durant ces années où il est devenu une petite célébrité, on le voit souvent avec un homme, Paul Wasserman. Américain de 20 ans, son aîné, Wasserman a vécu une partie de son enfance en France, à Bouillon, dans un village proche de Dijon. Le vin, comment dire? Il est tombé dedans quand il était petit, voilà. Sa mère, Rebecca Wasserman, a été l'une des premières importatrices de Bourgogne aux USA. Alors, est-ce lui qui initia Corniawan au Romanée-Conti? En tout cas, il a le profil idéal du professeur, de l'aïeul au savoir mûri, vieilli, prêt à être transmis. Quand on l'interroge encore aujourd'hui sur Corniawan, Paul Wasserman semble fier de son élève. Oh oui, c'était un garçon extrêmement doué. Il avait une conscience aiguë de l'ensemble du vin et il parvenait à ressentir des choses peu accessibles aux autres, dit-il. Au sein de la galaxie Corniawan, un autre homme va jouer un rôle central dans notre affaire, John Capon. Après avoir tenté sa chance en tant que producteur de hip-hop, il est devenu commissaire-priseur et a repris la maison d'enchères familiale à Kermeral en Contite. Dans ce pays où tout s'achète et tout se vend, les vieilles bouteilles de vin ont trouvé une place particulière. En quelques années, le cours n'a cessé d'augmenter. Par exemple, en 2002, on a jugé une bouteille de Romanée Conti 1945 autour de $2,600. 9 ans plus tard, en 2011, la même bouteille atteint la somme astronomique de $124,000. Le Bourgogne a la cote et ça tombe bien, car Rudy adore ses vins et a réussi, selon ses dires, à mettre la main sur des bouteilles les plus rares. Oui, mais sont-elles toutes vraies? Beaucoup ont pu y croire, notamment un groupe de connaisseurs et de collectionneurs avisés qui se fait appeler les 12 hommes en colère, en hommage au film de Sidney Lumet. 12 hommes fortunés, au surnom pompeux, qui aiment se retrouver chaque mois autour d'une table. L'enjeu de ces soirées est de faire plaisir et d'impressionner ses amis en débouchant les meilleurs grands crus de sa cave. Pour entrer dans le cercle et participer à ces soirées, il faut avoir un certain savoir et pouvoir sortir des vins d'exception. Parmi ses invités, il y a Rudy Corniawan, bien sûr, mais aussi d'autres convives, dont Douglas Barclay, un avocat collectionneur qui a été invité à 2 de ses soirées. Pourtant, il en garde un mauvais souvenir, comme il le raconte dans le documentaire Rudy Corniawan, l'escroc au grand cru d'Elsa l'Héritier. C'était des grosses soirées. Ils ouvraient un Jéroboam de Romanée Conti et ils le posaient un peu plus loin. C'était ce genre de soirée où ils disaient « Finis ton verre de la tâche, parce que le Romanée Conti arrive. » C'est ridicule. J'ai arrêté d'y aller après seulement 2 soirées. Généreux connaisseur, Rudy Corniawan devient un invité permanent des dîners de ces 12 hommes en colère. Il faut dire qu'à chaque fois, il arrive avec une surprise, une bouteille de légende qu'aucun des collectionneurs n'a eu pour l'instant la chance de goûter ou d'acquérir. En octobre 2004, pendant un week-end prolongé, la dégustation dure 4 jours, pendant lesquels Rudy Corniawan émerveille ses convives avec son savoir et ses bouteilles, celles de sa cave, mais aussi d'un restaurant huppé, Le Cru, dont la carte comporte 150 000 références de vin. Peu importe le prix, Rudy Corniawan accepte de payer la note. À la fin de ce week-end arrosé, où lui et ses convives passent d'un grand cru à l'autre sans avoir le temps de savourer, Rudy Corniawan publie sur un forum de spécialistes un billet sur cette folle échappée intitulé « Le week-end où j'ai tenté de tuer Capon avec des vins de légende ». Pour les connaisseurs avisés, comme chez les modestes amateurs, Rudy Corniawan est désormais un nom connu, respecté. Connaisseur, acheteur compulsif, il devient en 2006 vendeur. Oui, cette année-là, par l'intermédiaire de John Capon, Rudy Corniawan met aux enchères une partie de sa cave. Selon la présentation, il s'agirait de la plus belle cave des États-Unis. Dans le catalogue, on peut lire. C'est l'un des collectionneurs les plus avertis qu'il m'ait été donné de rencontrer. Il est particulièrement pointilleux sur la provenance, l'état de conservation, l'étiquetage et naturellement les conditions de stockage de ses vins. Cette vente aux enchères, John Capon a choisi comme décor le restaurant Le Cru, où Rudy a ses habitudes. Tout le gotha du vin est là. Les 1742 bouteilles partent pour un montant de 10,5 millions. 9 mois plus tard, une nouvelle vente a lieu. 2310 lots sont alors proposés. Nouveau succès et record à la clé, $24,7 millions sont empochés en une journée. L'ancien record, daté de 1999, est élevé à $14,5 millions. Grâce à cette vente, John Capon devient un acteur majeur de la vente de vin aux États-Unis. Rudy, quant à lui, empoche sur l'année la modique somme de $35 millions. En 2006, pour la première fois, il accorde une interview exclusive à un journal, le Los Angeles Times. Comme toujours, Rudy reste discret sur sa vie. D'où vient-il ? D'Indonésie, oui, mais il est d'origine chinoise. Quelle est la source de cette fortune qui lui permet d'acheter entre 1 et 2 millions de dollars par mois de grands crus ? La richesse de sa famille provient de la distribution de bières en Indonésie et en Chine, est-ce vrai ? Personne ne vérifie. L'homme est riche, cela ne fait aucun doute. Il arpente les restaurants et les ventes, toujours habillé des plus chics costumes, se déplace en voiture au volant d'une Bentley ou d'une Ferrari et lance un important chantier dans sa maison d'Arcadia. Tout va donc bien pour Rudy et pour ses affaires. Pourtant, sa vie, ses bouteilles, ses mystères commencent à intriguer dans le milieu des connaisseurs. Surtout que certains collectionneurs commencent à douter de la provenance et de la véracité de certaines bouteilles. Certes, quand on achète ce type de vin, c'est un peu la loterie. Et quand le goût n'est pas à la hauteur espérée, c'est l'effervescence qui permet de surmonter cette frustration. Chaque vendeur l'accepte, oui c'est vrai, mais jusqu'à une certaine limite, car il y a un certain nombre de règles qui permettent de repérer un faux d'un vrai. La bouteille, la couleur du vin, la cire, l'étiquette, puis le goût. Il n'est donc pas facile de tromper son monde sans un jour se faire repérer, surtout quand on voit apparaître des caisses entières de vins qu'on pensait impossible à se procurer. Ce qui met la puce à l'oreille de certains, c'est que plusieurs bouteilles vendues par Rudy Kurniawan, dont de Bonnemare 1923, un grand cru au cœur de Chambol-Musigny en Bourgogne, c'est que ce domaine n'a été fondé qu'en 1924. Étrange. Oui, mais peu à peu, le doute s'épaissit. En janvier 2007, un collectionneur qui a également acheté des bouteilles de Bonnemare invite lors d'une soirée le propriétaire du domaine de ce grand cru, Georges Roumier, ainsi que deux connaisseurs avertis, l'avocat et collectionneur Doug Barsley et Alan Meadows, l'un des plus célèbres critiques des grands vins de Bourgogne. Quand tout le monde est installé, on apporte la bouteille. Avant d'ouvrir, on ausculte son apparence. À la loupe, toutes les informations sur l'étiquette sont justes, mais leur position ne correspond pas à l'original. Bon, on débouche la bouteille, on verse le vin dans chaque verre, la couleur semble juste. Puis, quand on fait tourner le verre, les larmes tombent lentement. Oui, mais selon l'un des convives, il s'agit du meilleur Côte du Rhône qu'il n'ait jamais bu. Côte du Rhône. Rudy s'est peut-être fait avoir, qui sait. Alors, 10 autres bouteilles de la cave de Kurniawan sont ouvertes. Bilan de la soirée, 6 sont des contrefaçons, l'une laisse des doutes, 4 autres, en revanche, sont sensationnels. À la suite de cette soirée, le collectionneur décide de renvoyer le reste de ses achats à la maison d'enchères. Mais la réputation de Rudy Kurniawan s'effiloche. En avril 2008, une nouvelle vente est organisée par la maison Acker avec certaines bouteilles de Rudy Kurniawan. Parmi ces vins, des Clos Saint-Denis allant de 1945 à 1971. Doug Barsley connaît très bien ses vins, comme le propriétaire du domaine, Laurent Ponceau. Alors, il décide d'envoyer un mail avec une simple question. « Quand ta famille a-t-elle produit les premiers Clos Saint-Denis ?» La suite, c'est Laurent Ponceau qui la raconte. La question c'est, depuis quand produisez-vous du Clos Saint-Denis ? J'ai pas pu répondre à une question comme ça. J'ai répondu par une question, pourquoi est-ce que tu me demandes ça ? Et il me dit parce que, en réponse par mail, échange de mail, parce que il y a une vente aux enchères dans 2 jours à New York, dans laquelle on présente plusieurs millésimes anciens, 45, 49, 62, de Clos Saint-Denis du domaine Ponceau. Et là, on s'en a fait qu'un tour, puisque nous avons commencé à produire ce vin-là en 1982. Donc il n'était pas possible qu'on trouve des bouteilles aussi vieilles. Laurent Ponceau décide alors de joindre le responsable de la vente, John Capon. L'échange téléphonique est étonnant. En effet, quand un propriétaire pointe l'existence de faux, on l'écoute, on prend note et on s'excuse de la gêne occasionnée. Mais là non, John Capon préfère rassurer Laurent Ponceau et il lui affirme que chaque flacon a été mûrement expertisé. Au bout de quelques minutes, et face à l'énervement de M. Ponceau, John Capon accepte tout de même de retirer les dites bouteilles. Mais va-t-il le faire ? Laurent Ponceau veut en avoir le cœur net. Le lendemain, il prend un avion... direction New York. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you going to all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock four. Let's see about that. Give us a ring ding ding. Beautiful day. guitar, this is liquid, ring-a-ding-a-ding. I want those three grand band tickets, man. What do you think? Time. Woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise, a mafioso story with a twist. A true wrong fool, Julie, you are here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way. But we did nothing. Blaring out the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie. Yeah, right. But we did nothing. Absolutely buckets that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in LA at 26? With my mind on my money and my money on mine. Avril 2008, New York. Le commissaire-priseur, John Capon, réunit la fine fleur des collectionneurs de vin au restaurant Le Cru. Il est à l'estrade, marteau à la main. La soirée est bruyante, arrosée. Au fond de la salle, assis un peu à l'arrière, Laurent Ponceau est là, silencieux, calme. Quelques-uns l'ont reconnu, mais que fait-il là? Quand on arrive à la présentation des Clos Saint-Denis, John Capon, comme promis, annonce à la demande du domaine et avec l'autorisation du vendeur, le retrait des lots Ponceau. Malgré la colère de certains, la vente de ces bouteilles est annulée. Mais le vigneron de Bourgogne ne veut pas en rester là. À la fin de la soirée, il va voir John Capon et lui demande des explications. Dans son catalogue de vente, la plupart des bouteilles dites Ponceau sont fausses. Comment cela est-il arrivé? Qui est l'expert d'ailleurs? Eh bien lui-même, oui. Oui, John Capon a la double casquette, celle du commissaire et de l'expert. Et il est rare de se trahir soi-même. Laurent Ponceau demande alors à rencontrer le vendeur du lot de ces fausses bouteilles, un certain Rudy Cornawan. Après avoir essayé de l'en dissuader, John Capon convient d'organiser un rendez-vous pour le lendemain. Les quatre hommes se retrouvent au Jean-Georges, un 3 étoiles de Central Park. Rudy arrive, accompagné de John Capon. Laurent Ponceau a convié l'avocat Doug Barnsley, qui l'a alerté sur ses vins. Rudy Cornawan semble ravi de rencontrer le vigneron français. En face, Laurent Ponceau, lui, n'a qu'une question en tête. D'où viennent ces bouteilles? Rudy noie le poisson, il parle de la difficulté de suivre la provenance des vins. Pensez donc, il achète beaucoup de vins, donc effectivement, il est possible qu'il se soit fait avoir par des vendeurs malhonnêtes. Le Français n'est pas satisfait et arrive, tant bien que mal, à lui faire promettre de lui envoyer les coordonnées du vendeur de ses bouteilles. Le repas se conclut sur cette promesse. En France, de retour à Moret-Saint-Denis, Laurent Ponceau sort son carnet d'adresses et contacte les amis et partenaires du domaine situé en Indonésie d'où vient Rudy. Avec des possibilités financières si importantes, la famille Cornawan doit être connue au sein de la diaspora indonésienne. Eh bien non. À chaque contact, Laurent Ponceau reçoit la même réponse. Cornawan Ah non, vraiment, ça ne me dit rien, désolé. Certes, un Korniawan a été champion de badminton, mais je doute qu'il s'agisse du même homme, s'entend-il répondre. Ainsi, les mois passent, et Laurent Ponceau n'a toujours pas reçu de mail de la part de Rudy. Après plusieurs relances, il lui répond enfin, et un rendez-vous est acté. Sur un petit bout de papier, Rudy indique le nom de son vendeur, un certain Pakendra, et deux numéros de téléphone. Le vigneron français glisse le papier dans sa poche. À son retour, il essaie de joindre les deux numéros. L'un est un fax, l'autre est celui d'une agence de voyage. Il poursuit son enquête. En janvier 2010, le Français reçoit un appel des États-Unis. Au bout du fil, un agent du FBI, James P. Wayne. Depuis plusieurs mois, un autre homme s'est lancé dans une enquête contre Rudy Korniawan, Bill Koch. Businessman américain, grand collectionneur de vin, il a acheté de nombreuses bouteilles lors des ventes à Kermeral. Il a envoyé certaines d'entre elles aux différents domaines respectifs pour valider ses achats. Aucune n'est vraie. Bill Koch est le type d'homme à détester de se faire rouler. Il embauche alors un détective privé pour enquêter sur Rudy Korniawan. Il m'a demandé de me renseigner sur Rudy Korniawan. On m'a fourni des vidéos filmées pour une émission sur le vin. J'ai failli tomber de ma chaise en les visionnant. La motivation de l'enquêteur, c'est de montrer l'élégance de l'arnaque. À la suite de ces différentes alertes contre les bouteilles de Rudy Korniawan, dont celle de l'homme d'affaires Bill Koch, une procédure civile ainsi qu'une enquête du FBI sont lancées contre lui. Après plusieurs mois d'investigation, il découvre notamment la véritable identité de Rudy Korniawan, Zhang Wang Wang. D'origine chinoise, il est arrivé aux États-Unis en tant qu'étudiant. Depuis 2003, il est en situation irrégulière. Très endetté, il emprunte de l'argent auprès de collectionneurs, mais aussi de John Capon. Et malgré cela, il continue à acheter des bouteilles et apparemment à en vendre. Car malgré l'écho du retrait de nombreux lots de ses enchères de 2008, il vend toujours, souvent sous pseudonyme. Mais on sent bien, et il le sent bien, l'étau se resserre. Lors d'une vente, un passionné remarque de nombreuses erreurs sur les étiquettes d'une série de Romanée Conti, le vin préféré de Rudy. Il alerte le site qui refuse de réagir. Alors, il décide d'écrire un post sur un forum reconnu. Avertissement urgent, Rudy Korniawan tente d'écouler de nouvelles bouteilles. Et le poste est repris partout. Quelques semaines plus tard, le 8 mars 2012, à l'aube, le FBI débarque dans sa villa d'Arcadia. Encore en pyjama, le jeune homme est arrêté. Quand les enquêteurs pénètrent dans les lieux, il fait froid, le thermostat est réglé à 17 degrés. Et dans la cuisine, il découvre un véritable laboratoire. On est entré. Le salon était jonché de bouteilles. Il y avait une armoire à vin, j'étais stupéfait. Et quand j'ai vu la cuisine, j'ai eu un choc. Deux ou trois bouteilles trempaient dans l'évier de la cuisine. Les étiquettes étaient décollées. À côté de l'évier, des bouteilles attendaient d'être étiquetées. Il y avait un tire-bouchon et une bouchonneuse. Il s'apprêtait à mélanger une vingtaine de bouteilles dans la cuisine, des vins californiens. Il y avait des annotations, changer le millésime, changer la taille, enlever le numéro de série. Des bouteilles sans étiquette portaient des sortes de formules. Il y avait des étiquettes partout. Des milliers, en liasses, comme des billets de banque. Une pièce était remplie de casiers à vin. Sur les tapis de course, il y avait 18 bouteilles nues, il y avait un pochoir, des caisses de bois partout, des cartons avec de vraies étiquettes, tout le matériel nécessaire pour fabriquer des faux. C'était donc ça. Depuis des années, Rudy mélangeait des vins. Le faussaire ayant un assez bon palais, il lui était possible de donner l'illusion d'un excellent romanais en mélangeant un bon millésime avec un autre vin aux caractéristiques proches. L'investissement était onéreux, mais il pouvait rapporter gros. L'important ensuite, c'était de mesurer les goûts, puis surtout d'éviter les erreurs sur l'emballage pour ne pas éveiller les soupçons. Rudy en a trop fait. 7 années après la vente record de 2007, il n'est plus rien. À âgé de 36 ans, il risque jusqu'à 80 ans de prison. En décembre 2013, son procès débute à New York. Rudy Kurniawan, 37 ans, l'un des plus grands experts américains des vins de Bourgogne. L'ouverture à New York du procès de celui qui a été surnommé l'escroc du siècle. Il fabriquait de fausses étiquettes, récupérait de vieilles bouteilles et les remplissait de vins ordinaires. Il a empoché des millions de dollars jusqu'à la découverte du poteau rose. Erreur fatale de Dr Conti, docteur pour ses connaissances exceptionnelles et son nez capable d'identifier n'importe quel arôme, millésime ou domaine. Conti, à cause de sa passion, les Romanée Conti de la Côte Nuit au sud de Dijon. The Sherlock Holmes of French wine. Laurent Ponceau's crusade to sniff out the fraudster who was faking his vintage wine. Un jeune collectionneur de grands crus qui aura connu une ascension fulgurante dans le milieu du vin. Un escroc qui a floué tout le monde, sauf un Français, le propriétaire du domaine Ponceau. Dr Conti avait mis aux enchères un de ses grands crus, Clos Saint-Denis, années 47 à 71, alors que la production a démarré en 1980. Le plus important, c'est de rappeler que notre client n'a fait de mal à personne. Barre des témoins, à 7000 km de leur terre, trois vignerons français à la tête de trois domaines prestigieux de Bourgogne. Laurent Ponceau, bien sûr, mais aussi Christophe Roumier et Aubert de Villaine. L'un après l'autre, ils s'avancent et tentent d'expliquer un à un à un jury ignorant en matière de vin la spécificité de leurs produits. Pendant leurs auditions, beaucoup de mots français sont épelés, traduits tant bien que mal. Mais un mot ne se traduit pas, le terroir. Laurent Ponceau le définit ainsi. Un lieu où pousse la vigne, où l'on produit le vin, mais aussi les hommes qui le font, à travers les bouteilles falsifiées. C'est cet esprit unique qui est sali. Dans le box des accusés, Rudy ne dit rien. Le jeune homme élégant n'est plus que l'ombre de lui-même. Amaigri, silencieux, le regard perdu, il plaide non coupable, mais laisse désormais à ses avocats le soin de sa défense. Le 7 août 2014, il est reconnu coupable de contrefaçon de grands crus français et condamné à 10 ans de prison. Il devra verser 28 millions de dollars aux 7 victimes identifiées. Mais un mystère demeure. Comment a-t-il pu fabriquer autant de contrefaçons? Le faussaire avait-il des complices? Ni l'enquête, ni le procès n'ont pu répondre à ces questions. En Bourgogne, les vignerons sont retournés sur leurs terres. En 2015, l'UNESCO a reconnu les climats de Bourgogne et ses 1247 parcelles situées sur les pentes et les côtes de Nuit, des côtes de Beaune. Aujourd'hui, les couleurs de l'automne ont recouvert les vignes. On a buté la terre pour protéger les ceps pendant l'hiver en attendant le printemps et le réveil de la vigne. En septembre et en octobre, ils seront des centaines à récolter ses raisins et à boire son vin. Qu'importe la grandeur et le talent du faussaire, il est bien difficile de copier la terre, le travail et la mémoire des hommes, et c'est bien ainsi. We'll be right back. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le faussaire du vin avec notre invité, Monsieur Ponceau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en direct des studios de France Bleu à Dijon. Alors avant de revenir sur l'histoire en tant que telle, est-ce que vous pouvez nous parler de votre domaine viticole? Depuis quand existe-t-il? Alors, c'est un domaine qui existe depuis 1872, dont je suis la quatrième génération. Ouais. Domaine familial, un peu particulier en Bourgogne parce que c'est un domaine qui a procédé à la mise en bouteille directement à la propriété depuis quasiment l'origine. Alors que en Bourgogne, l'histoire fait que c'est surtout les négociants qui faisaient la mise en marché, non pas les domaines viticoles. Donc on a une antériorité effectivement dans la mise en bouteille qui fait qu'on peut facilement retrouver des bouteilles anciennes, enfin facilement, ou pas forcément, mais il existe des bouteilles anciennes du domaine Ponceau, et c'est ce qui aussi intéressait, au-delà de la qualité probable des vins faits par mon grand-père, mon père et mes ancêtres, c'était aussi des vins qui étaient existants à l'époque, voilà. Et aujourd'hui, quelles sont les particularités de votre vin, le Clos Saint-Denis? Alors nous avons une vingtaine d'appellations, dont le Clos Saint-Denis qui est un grand cru de Bourgogne. Les grands crus en Bourgogne représentent environ 1% de la production et ils sont au nombre de 33. Et donc nous avons la chance d'en produire 12, dont le Clos Saint-Denis. Alors la spécificité de celui-là particulièrement, c'est qu'il a été planté en 1905 et qu'aujourd'hui nous récoltons toujours les raisins de ces très vieilles vignes. Et donc ça fait un vin un peu mythique, en tous les cas dans le milieu des collectionneurs et des amateurs. Bien sûr. Alors, les collectionneurs, les amateurs, les faussaires, le grand barnum du vin, finalement, dans cette histoire que nous venons de raconter, qu'est-ce qui vous met exactement et précisément la puce à l'oreille? Alors, comme ça a été dit dans l'interview, Monsieur Barzelay, mon ami Doug Barzelay, collectionneur, amateur, buveur aussi, mais aussi avocat, m'a posé cette question à un moment donné, de savoir quand est-ce qu'on avait commencé à produire le Clos Saint-Denis. C'est là où j'ai vraiment compris, enfin, après tout ce qui s'est passé, ce qui a été dit, après mon passage à New York, j'ai compris qu'il y avait quand même, sur une grosse échelle, des gens qui fabriquaient des faux vins. J'avais déjà trouvé quelques fausses bouteilles à partir des années 90, mais sporadiquement une par-ci par-là, sur des vins qu'un critique aurait porté au nu et donc forcément avec une valeur ajoutée importante, mais des faux qui étaient assez grossiers, donc facilement décelables. Mais là, j'étais mis en vraiment une évidence de cette particularité, parce que bien sûr dans le catalogue de la vente de 2008, il y avait des vins du domaine Ponceau, mais il y avait aussi des vins du domaine Roumier, des vins du domaine de Romanée Conti, domaine Rousseau, et moi-même avec l'habitude, simplement à travers les photos de ces bouteilles, j'avais déjà décelé qu'elles étaient aussi fausses. Donc il n'y avait pas que les vins du domaine Ponceau. Donc c'est évident que ma croisade qui a commencé à peu près à cette minute-là, elle n'a pas été dictée par simplement une vengeance ou une façon de dire voilà attention le domaine Ponceau est hors du commun et il faut le nettoyer. Non, c'était plus pour le principe de ce que vous avez décrit comme l'esprit du vin. Bien sûr. Voilà, c'était ce qui m'a guidé au départ. Mais comment peut-on techniquement faire des faux vins tout de même? Enfin, c'est quand même assez précis, le goût d'un vin, le goût d'un grand vin. Alors vous me direz, certains font bien pour les tableaux. D'accord, mais comment on fait? Oui, alors, sans donner de mauvais conseils, évidemment. Non, mais le conseil est très simple. C'est-à-dire que les mélanges de différents vins pour en faire un autre, c'est très, très rare. Enfin, en tout cas, même Rudi Kurniawan ne s'y a essayé que très peu. La majeure partie des vins que Rudi Kurniawan a mis en marché, c'était des réels vins de Bourgogne, de Bordeaux, de Côte-du-Rhône, de millésimes anciens, mais moins cotés, qu'il a pu acheter pour environ 50 € la bouteille, par exemple, et qu'il a déshabillé de l'étiquette d'origine, et réhabillé avec une étiquette prestigieuse. Ah, c'est au niveau des étiquettes que ça se joue, d'accord. Oui, voilà, l'étiquette, le bouchon, la capsule, la cire, enfin, tout ça, il avait acquis une certaine connaissance dans justement ces vieilles bouteilles, puisqu'il avait acheté à un moment donné des réelles vieilles bouteilles, donc il avait des bases pour pouvoir copier. Mmh. Donc c'est surtout sur avec cette méthode-là qu'il a inondé le marché, avec des vrais vieux vins, par exemple, je veux dire, du Volnay 1965, qui était un petit millésime. Il a dû en acheter une palette chez un négociant bourguignon qui avait ça en stock, ne l'ayant pas vendu parce que c'était comme un cercueil à deux places, ça se vend difficilement. Et donc, du coup, il a été livré de ces bouteilles-là et il les a transformées en Romanée Conti, en Clos Saint-Denis, en Bonne-Mare, et voilà. Alors, on revient à l'histoire. Donc, votre ami avocat vous met la puce à l'oreille. Vous avez au téléphone John Capon, à la fois commissaire-priseur et expert. Sa réaction, finalement, d'après ce qu'on sait du récit, c'est pas une réaction fermée. Bon, il y a un réflexe, c'est gênant, mais en même temps, il vous ouvre la porte. Oui, bah, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas ouvert la porte. Vous l'avez forcé, déjà. Je l'ai forcé, tout simplement. Ouais. Je lui ai pas dit que j'allais venir le surlendemain. Le oui que j'ai entendu au téléphone quand je lui ai demandé de retirer les vins était un oui qui m'a paru juste un oui pour me satisfaire à l'instant. Et donc c'est pour ça que j'ai eu le doute et que j'y suis allé. D'ailleurs, j'ai bien fait. Je pense qu'il aurait vendu il aurait peut-être pas vendu les Clos Saint-Denis, mais il aurait vendu tous les autres vins du domaine. Il y en avait environ 80 bouteilles. Il les aurait vendues, sachant qu'elles étaient fausses aussi. Parce qu'il était impossible que Capon ignore que ces vins étaient faux. Bien qu'il soit un expert. Oui, mais un expert, il est surtout un expert qui va gagner environ 50% sur la vente. Ouais, bien sûr. Donc c'est facile d'être bien expert sûr. Dans ces cas-là. Bon, alors vous décidez d'aller à New York et vous assistez à la vente aux enchères. Alors qui sont les clients? Sont des connaisseurs, de simples amateurs ou les deux? Parce qu'en quelques années, les prix des bouteilles ont flambé. Hein. Oui. Alors à ce niveau-là, au niveau de la clientèle, forcément ce sont des gens très fortunés, des gens qui ont acquis avec le temps une certaine connaissance des vins. Il y avait vraiment dans la salle des gens qui étaient des grands connaisseurs, dont certains d'ailleurs avaient pris l'avion spécifiquement pour venir à cette vente pour acheter des grands vins, notamment les nôtres qui sont très rares à trouver, même s'ils ont existé à une époque. Il est très rare de trouver des vieux ponceaux. Donc là, il y avait presque une centaine de vieux ponceaux. Et je sais qu'il y a au moins trois personnes qui avaient fait le voyage de la côte ouest ou du Middle-Ouest pour pouvoir acheter ces vins-là. Donc ce sont des gens quand même qui sont des gens plus qu'amateurs. Il y a quelques collectionneurs. Vous savez qu'il y a des gens qui collectionnent, vous l'avez dit, et qui sont là fiers d'avoir en main une bouteille de Romanée Conti qu'ils ne boiront probablement jamais. Mais il y a aussi des gens qui boivent. Et il y avait dans cette salle une bonne partie de gens qui sont des connaisseurs et des buveurs, mais des buveurs dans le bon sens, c'est-à-dire des gens qui sont amateurs et qui pensent à la bouteille qu'ils vont boire, je veux dire, quelques jours avant et qui la respectent. Alors, le lendemain de cette vente aux enchères, vous rencontrez donc ce monsieur Kornyawam. Alors, quelle est votre première réaction? Qu'est-ce qu'il vous inspire, cet homme-là? Alors, j'ai tout de suite compris que c'était un mec qui était faux. En face de lui la première fois, on s'est dit bonjour, il ne m'a jamais regardé dans les yeux. Et ça m'a déstabilisé au début, et ensuite j'ai très bien compris. Alors j'ai une certaine habitude des personnes d'Asie, puisque mon épouse est eurasienne, nous allons très régulièrement en Asie. Donc j'ai assez l'habitude de la façon dont les Asiatiques se présentent, agissent, de leurs attitudes. Et j'ai tout de suite compris que ce type-là nous racontait des salades à plein de niveaux. Bon, dès cet instant-là. Après, bien sûr, plus tard, j'ai compris beaucoup plus de choses. Mais à cet instant-là, il ne m'a pas du tout inspiré de la confiance. Alors, de retour en France, vous décidez d'enquêter. Jusqu'où allez-vous? Je crois que vous avez beaucoup voyagé. Ne pas ménager vos efforts. Oui, donc je suis bien sûr retourné aux États-Unis. J'ai fait des enquêtes à Los Angeles, dans son entourage, sans qu'il le sache. Enfin, je me suis transformé de vigneron à enquêteur. Parce que je voulais comprendre, je voulais savoir, et donc voilà, oui, bien sûr, j'ai fait plusieurs voyages aux États-Unis, j'ai fait des voyages en Indonésie, en Malaisie, enfin en Asie, bien sûr à Singapour où il y a aussi toute une nomenclatura indonésienne qui vient s'encanailler et surtout boire du vin. Enfin bon, à Hong Kong, enfin un peu partout, oui, en effet. Et qu'est-ce que vous découvrez finalement sur tout ce qui se passe après l'art, hein? L'art, c'est récolter le vin, c'est faire le vin, et puis après il y a le commerce. Qu'est-ce qui vous frappe? Alors bon, je connais, c'est un commerce que je connais plutôt pas mal pour avoir commencé de me déplacer moi-même à travers la planète depuis 1982. Donc c'est un microcosme, si vous voulez, de gens qui sont capables d'acheter des bouteilles à ce prix-là. Dans ces gens-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie de collectionneurs, mais il y a aussi une partie de buveurs. Et ces gens-là ont été victimes de M. Kurniawan. Et bizarrement, on dit que les Asiatiques copient tout, mais là, en l'occurrence, en Asie, il y a eu beaucoup, beaucoup de victimes de Kurniawan qui ont acheté des vins aux États-Unis et qui les ont fait rapatrier. Et j'ai découvert quand même qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient aussi une sorte d'omerta, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait flouer, mais qu'ils ne le diraient jamais. Parce que la position sociale fait que ce sont des gens à un très haut niveau et il ne faut surtout pas qu'ils puissent se faire prendre comme ayant été floués. Alors, au bout d'un moment, vous recevez un appel du FBI. Ça, c'est quand même assez particulier de recevoir un appel du FBI. Racontez-nous. Oui, en effet, c'est assez particulier. Ça faisait à peu près 2 ans que j'enquêtais, mais bien entendu, je suis aussi vigneron et je n'ai pas passé ma vie à enquêter, mais dès que je le pouvais, je le faisais. Mais donc, 2 ans après, environ, je reçois un appel de Monsieur Wynne, agent spécial du FBI, qui me dit, voilà, on a commencé d'enquêter sur les faux vins. On a compris que vous aviez vous-même déjà quelques matières à nous céder. Mmh. Et donc, nous avons décidé de nous rencontrer. Et je l'ai rencontré, lui et le procureur, monsieur Jason Hernandez, ensemble, au mois de février 2010, à New York. Je suis allé à New York et nous sommes rencontrés. Et effectivement, ils avaient commencer les enquêtes, un peu la même façon que moi, sauf que eux ne peuvent pas voyager, le FBI reste aux États-Unis. Et donc j'ai pu leur apporter beaucoup, beaucoup de choses. Je me souviens avoir numéroté toutes les pages et toutes les évidences que j'avais trouvées. Il y en avait à peu près 50 que je leur ai envoyées par email. Et donc on a, à partir de ce moment-là, travaillé ensemble, la main dans la main. On a fait beaucoup de choses, moi à l'étranger, eux plutôt aux États-Unis. Mmh. Et donc on a beaucoup, beaucoup travaillé. D'ailleurs, le 28 et 29 février 2012, j'étais à New York et nous avons vraiment travaillé incognito sur Rudy Kurniawan qui commençait déjà un peu de s'affoler. Et moi, je leur avais dit, ce garçon va s'en aller, il va prendre un billet d'avion, il va quitter les États-Unis, donc il faut aller vite. Et donc, on a réuni de tas de preuves et c'est une semaine plus tard qu'il a été arrêté dans sa maison à Los Angeles. Donc on a beaucoup travaillé. Alors c'était excitant de la part pour moi, parce que quelque part c'était une nouvelle vie. C'est évident, on lit des romans policiers, on voit des films policiers, et là j'étais dedans. Ah oui. Donc c'est un peu excitant quelque part, mais d'un autre côté j'étais résolu quand même. Alors, vous n'étiez pas le seul à enquêter sur le sujet, puisque Bill Cogg, dont on a parlé, un riche collectionneur, lui a fait appel à un détective privé. On va l'écouter, on va écouter cette archive ensemble. Il s'agit d'un extrait du documentaire Raisin Amer, produit par Catherine Siméon au sein de Faites un vœu, et coproduit avec la société anglaise Medfilm et avec Arte. Ce type s'est inventé une nouvelle identité. Comme s'il était un témoin à protéger. En Indonésie, tout le monde a une carte d'identité. Nous avons mis la main sur son passeport. Nous avons établi que son père s'appelait Makmur Widjojo et sa mère, Lenwati Tan. Il avait un frère appelé Dar et un autre, Teddy. Nous les avons trouvés sur les réseaux sociaux. Ils ne cachaient pas leur train de vie dispendieux. Qui le finançait? D'où venait l'argent? Qui l'a créé? Nous avons reçu des informations venant des milieux de la banque et des affaires de Jakarta. Il apparaissait que les frères de Lenwati Tan avaient été impliqués dans le plus grand hold-up financier de l'histoire de Jakarta. L'un d'entre eux s'appelait Eddie Tansil. Il est toujours recherché en Chine. Eddie s'est évadé de prison et a fui après avoir dérobé les profits d'une banque. L'autre frère, Hendra Rahaja, avait une banque, la Harapan Sentosa. Il a pris des centaines de millions de dollars dans la caisse et il est parti pour l'Australie. Laurent Ponceau, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? C'est du pipeau. Ah, carrément. Bon, je suis très affirmatif. Moi-même, je suis probablement le seul qui ait qui me soit rendu à l'endroit où Rudy Kilangwan est né, en Malaisie, qui ait vu la boutique de ses parents, dont les noms évoqués par le détective sont totalement faux. Le lien avec cette famille de faussaires d'escrocs à la banque est un lien qu'il a inventé de toutes pièces. Il faut dire qu'un détective privé royalement payé par M. Bilcock a besoin de lui donner un résultat. Oui, en même temps, oui. Et donc, le lien, il est simple, il est très ténu. C'est que, tout à l'heure, vous avez parlé de deux numéros de téléphone que Rudy Kilangwan m'avait donné. Un de ces numéros arrivait à une boutique, un fax dans une petite boutique à Jakarta. Or, cette boutique appartenait à un de ces escrocs. Et donc, c'est le seul lien qu'il peut y avoir entre eux. Mais moi, je sais pertinemment que Rudy Kilangwan n'est pas cousin ou frère de tout ça, et que même sa mère, la personne qui était dans sa maison à Los Angeles, qu'il faisait passer pour sa mère, n'était pas sa mère. Enfin, je sais beaucoup de choses. Je suis en train d'écrire un livre, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps, mais j'espère que je l'aurai terminé pour le mois de juin, dans lequel je vais raconter un peu tout ça de façon un peu plus précise. Mais enfin, en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que le détective privé de Bilcock, il a forcément été obligé de lui donner un peu de résultats, et qu'il a inventé cette histoire de toute pièce. Bien, alors Kilangwan, au moment où nous parlons, est donc en prison, où ça va probablement lui faire passer le goût du vin. On va pas y boire des grands vins là où il est. Il y a des procédures aujourd'hui pour limiter ce genre de magouille, pour lutter contre les faussaires. Alors, les bouteilles aujourd'hui qui sortent, des bouteilles de valeur en tous les cas, et qui peut-être auront une valeur ajoutée dans le futur, bien sûr, peuvent être équipées aujourd'hui de systèmes de contrôle, d'authentification. Nous vivons au XXIe siècle et donc, moi j'ai mis en place déjà depuis quelques années, même avant d'ailleurs, avant cette histoire-là, des systèmes. Alors, je ne veux pas m'étendre sur cela, il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés ou de start-up qui travaillent sur le sujet. Il faut que le consommateur final aujourd'hui puisse vérifier lui-même si la bouteille vient du domaine viticole ou du négociant, ou si c'est un faux. Alors donc il existe des systèmes très simples aujourd'hui. Moi je travaille avec le système NFC que tout téléphone portable maintenant comporte, et donc on donne à la lecture beaucoup d'informations. Les systèmes NFC aujourd'hui dits bancaires sont très sûrs et sont infalsifiables, incopiables. Chaque puce change d'adresse IP à chaque fois qu'on la lit. Donc, enfin, voilà, un petit exemple. Mais effectivement, il existe. Alors, forcément, les vieilles bouteilles ne sont pas protégées. Donc, les vieilles bouteilles qui peuvent sortir sur le marché aujourd'hui, moi, je dis, en résumé, n'achetez jamais de vin dans une vente aux enchères faite par une société de vente aux enchères. Vous avez probablement 8 chances sur 10 qu'elle soit fausse. Eh bien, on terminera sur ce conseil. Laurent Ponceau, il est précieux. Merci en tout cas de votre témoignage, et puis bon courage pour la rédaction de votre livre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.